tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Un printemps au temps du confinement, une série collective réalisée par Angélique Thibault et Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a cette année étrange qu'on a passée, le souvenir de ce mois de mars 2020 qu'on a enregistré à 13 pour ne pas oublier et faire entendre la vie de ceux qui ont dû continuer à travailler dehors. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui écoute, une policière épuisée, des agriculteurs, une étudiante caissière, une sage-femme trompée, une travailleuse du sexe dans la dèche, un dealer débordé et un médecin malade. Ensuite, le décor. La fièvre des tests, des masques, des hôpitaux, des chantiers, l'inquiétude, des caisses, des accouchements, des cercueils, le métro, des attestations, la violence et la sidération. Aujourd'hui, deuxième épisode, il y a quelqu'un qui décroche. Un printemps au temps du confinement. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Une série fabriquée à distance et à 34 mains, avec les moyens du bord et l'agilité de la radio, pour raconter et faire entendre les 55 jours de cette drôle de vie à l'ombre du coronavirus. Pour les familles et les proches de nos victimes. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus. En France, et depuis le début du confinement, des travailleuses et travailleurs ont œuvré sans relâche au contact des autres, et très souvent sans garantie de sécurité. Un aperçu des vies déconfinées au temps du Covid. Saluer sans serrer la main et éviter les embrasses. Travailleurs déconfinés. Oui ? Vous nous avez déjà téléphoné ? Qu'est-ce qui a fait là que vous vous êtes décidé à déposer une plainte ? Le confinement ? C'est vous-même qui avez été victime ? Oui. Alors, rassurez-vous, hein, vous êtes au bon endroit. Hein. Nous sommes une permanence téléphonique totalement confidentielle, anonyme et gratuite sur tout ce qui concerne donc les violences sexuelles. On est une toute petite équipe de femmes. Ça vous va ? Je peux prendre votre prénom ? Je ne sors pas de chez moi sans avoir mon masque et mes gants. Oui. On peut déjà sentir une certaine pression dès qu'on prend les transports en commun. C'était il y a combien de temps ? Je sors de chez moi à 4h du matin, donc je ne vois pas grand monde dans les rues. L'agresseur, c'était qui par rapport à... Il suffit que je monte dans le bus pour sentir déjà cette pression du « Oh là là, il faut que je reste éloignée de celle-là ou de celle-ci. » Et il vous a dit des paroles particulières à ce moment-là ? À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. On avait aussi en tête à ce moment-là que l'aggravation des symptômes, c'était entre J6 et J8. Le monsieur était âgé de 87 ans, avait des symptômes très évocateurs d'un tableau de Covid. Et c'était pour ça qu'il y avait cette surveillance où j'appelais vraiment deux fois par jour. Viol, femme, information, bonjour. C'est la première fois que vous nous téléphonez ? Avec une fièvre qui se prolongeait, mais sans toux, sans gêne respiratoire. C'est vous-même qui avez été victime ? Ce monsieur qui avait des troubles cognitifs, et pour savoir s'il respirait bien, s'il n'était pas gêné, je lui demandais de prendre une grande inspiration et de compter le plus longtemps possible. Et c'était un outil de suivi au jour le jour. Dans les deux jours, il y a sa femme qui avait 86 ans, qui a aussi développé un tableau équivalent. Et il y avait toute la difficulté de l'évaluation à distance, hein, de la téléconsultation, même si ce n'était pas avec des outils de visioconférence, c'était des coups de fil deux fois par jour, et je les appelais vraiment régulièrement pour les suivre au plus près, être sûr qu'il n'y avait pas de nouveaux symptômes. À un moment donné, on a fait, au bout de 5 jours de fièvre, un bilan biologique, comme on fait toujours quand tu as une fièvre prolongée. le bilan biologique retrouve un syndrome inflammatoire majeur avec des critères médicaux, mais le signe, la protéine de l'inflammation, quand il y a une virose banale, ça monte peut-être à 10 ou 15. Là, on m'a répondu 260. On échangeait avec les collègues et tous m'ont dit « ça peut pas être le virus ». C'était un cœur, on est 6 médecins. Et à l'unanimité, tous les médecins m'ont dit « mais ça peut pas être le Covid, c'est autre chose, il faut que tu cherches autre chose ». Les enfants étaient extrêmement anxieux, ils avaient bien compris. Enfin, ma réponse, elle était toujours la même. C'était oui, ce sont, pour vos deux parents, ce sont des cas possibles de Covid, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de gravité. Respectons les consignes qui semblaient être celles-là à ce moment-là, c'était de continuer à faire notre rôle de trieur, c'est notre rôle de médecin généraliste en vie, et d'envoyer que des formes qui nécessitaient une hospitalisation. Et ce patient-là, donc finalement, quand on a eu les réponses biologiques, je ne l'ai pas adressé tout de suite à l'hôpital. J'étais toujours dans ce réflexe d'essayer de comprendre pourquoi en ville, avant de l'adresser. C'était peut-être pas un bon réflexe. Mais et on a fait le scan qui nous a répondu pneumopathie Covid majeure. Les enfants étaient complètement affolés, ils étaient dans la récrimination sous-jacente qui n'était pas encore verbalisée, mais on sentait bien que c'était « mais qu'est-ce que vous avez fait à garder mon papa à la maison comme ça tout ce temps-là » On l'a hospitalisé, les médecins d'emblée, c'était un patient de 87 ans, donc il n'a pas été en réanimation, il a été en service de gériatrie, qui a d'emblée décidé une situation d'accompagnement de soins palliatifs. Donc c'est un patient qui est décédé 8 jours après son entrée à l'hôpital. Et sa femme, elle, avait un cas moins intense et elle est sortie récemment. À partir de là, les personnes âgées, plus jamais, je les ai laissées à domicile. On faisait venir une ambulance, on les observait cliniquement, on les faisait venir tous les 48 heures. Enfin, ça a été un changement radical. Les deux enfants étaient là avec le compte-rendu de l'hôpital. J'ai beaucoup hésité à leur dire et finalement ils ont réagi hyper positivement en disant que leur père avait toujours eu ce rôle d'aller vers les autres, d'apporter des choses aux autres et que finalement, malgré tout, son histoire avait de nouveau apporté aux autres puisque médicalement on avait réagi différemment à partir de lui. Expliqua Dina, et nous échapperons à ce labyrinthe maudit par le ciel. Je serai le premier homme à voler, papa, le premier, Icar s'exaltait. Il me pleure de voudrie, il est fermé de la vie. Alors on va essayer d'appeler. Police secours. Allô ? Vous m'entendez ? Un petit peu, de très loin. Comment vous allez ? Attends, juste un instant. En fait, j'étais connectée à ma fenêtre parce que j'étais en train de faire de la musique. Voilà. Ouais, j'étais en train de faire du Lady Gaga au piano. Comment vous allez ? Ben, claqué. Vous êtes fatiguée ? Je suis vraiment épuisée. Et puis, le moindre effort, c'est... Ouais, je fais pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Ça va déjà mieux, j'ai des symptômes en moins. Déjà, au niveau des diarrhées, ça s'est calmé que à partir d'aujourd'hui. J'ai quand même fait, depuis mon dit pas que de la diarrhée tous les jours. Les vomissements, ça part. Donc ça va. Plus le boulot, plus gérer mes lapins, parce que j'ai un élevage de lapins encore. Je fais pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Oh là là, ma pauvre. Ben oui, j'ai attrapé le Covid il y a quelques jours de ça. Donc au début, on est un petit peu dans le déni. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que ben voilà, on est Covid. Donc certes, mais aujourd'hui, nous les policiers, on n'a pas le droit d'être testés. Les tests sont prévus juste pour le personnel soignant. Et quand vous dites que vous êtes policier et qu'on vous prescrit des tests, que ça soit pour les PCR, pour le nez ou pour le test sanguin, vous n'êtes pas du tout prioritaire. Vous pouvez pas faire le test. Donc concrètement, on n'a pas la preuve qu'on est Covid, on peut même pas apporter la preuve qu'on est Covid. Oui, ça aussi, il faut le gérer. Mais non, mais c'est pas bien vu d'être Covid. Attendez, vous imaginez, on compte sur nous à 200%, et quand vous avez un collègue au tapis, vous savez que ben on part pour peut-être 15 jours, 3 semaines, et du coup, ben Vous cumulez ensuite les collègues qui sont en arrêt par rapport aux gardes d'enfants. Vous cumulez les malades. Et bien, à un moment donné, il ne vous reste pas grand monde. Il nous a été demandé de ne pas mélanger les patrouilles. Par exemple, si vous êtes au chef de poste, vous restez au chef de poste pendant tout le temps de la vacation. Et les autres, ils restent en patrouille ensemble. Comme ça, s'il y a un malade, ben au moins, on est sûr de ne pas contaminer toute la brigade. Et en même temps, on nous demande de désinfecter que le conducteur. Vous voyez ? Vous savez ce qu'on nous a donné comme produit de désinfection pour désinfecter, pour nettoyer les véhicules de police ? Des lingettes pour nettoyer les fenêtres, du produit vitre. Attends, stop. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, voilà, j'ai 43 ans, j'ai 20 ans dans la police, hein, donc je suis CRS en maintien de l'ordre, et je travaille depuis quelques temps maintenant, donc au respect du confinement et dans différentes patrouilles dans les cités sensibles. Et dans la région parisienne. Alors, nous, il faut savoir qu'au début, les policiers sont équipés d'un petit stock de masques qu'on avait au début de la pandémie. Mais les seules instructions qu'on a eues de la part de l'administration, c'était une instruction d'interdiction d'utiliser ces masques. Ça a été écrit, il est interdit d'utiliser ces masques. Donc ensuite, il y a eu des mesures de distanciation qui ont été établies, mesures de distanciation totalement inadaptées, puisqu'on travaillait à ce moment-là assise dans un véhicule qui fait 2 mètres carrés. Et dans un second temps, le petit stock de masques qu'on avait à notre disposition a été réquisitionné pour fournir les personnels soignants qui eux-mêmes étaient totalement démunis. Le système D s'est mis en place, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des mairies, à des sociétés qui pouvaient nous en donner. Donc contre votre hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez vous décidé de vous protéger quoi qu'il arrivait, peu importe voilà, ce qu'on vous donne comme quel que soit le message totalement dangereux du gouvernement sur les gestes barrières et en fait cette fable qui consistait à dire que les masques étaient inutiles, je vais simplement pas l'utiliser pour pas faire peur à la population. C'est un mensonge d'État depuis le début. Si la population avait vu les forces de police et de gendarmerie porter des masques et des gants et des lunettes de protection, ils auraient voulu en avoir et ils auraient eu encore plus peur de cette contagion. Alors, si M. Castaner et son adjoint ont dit, bah, écoutez, oui, les fonctionnaires peuvent porter des masques, alors s'ils sont en présence d'un individu qui présente les signes du coronavirus. En fait, chaque début de service, j'écrivais, voilà, il manque du gel hydroalcoolique, on n'a pas de masque, on n'a pas de scie, j'écrivais tout, j'ai tout gardé. Et parce que sinon, on me croirait pas. Plus l'arrêt est long, plus le retard à rattraper va être lourd, plus les contraintes financières seront dures à tenir, et plus on va en demander aux équipes. L'idée, en fait, c'est que... Le bâtiment devait se livrer... Il faut toujours aller plus vite. Il devait se livrer à la mi-2022. Pour essayer de satisfaire le client. On a au moins 6 mois, voire un an de retard. Je sais pas, ça va durer encore jusqu'à quand, mais je sais pertinemment que c'est... De retard financier et de pertes financières. Que quand je rentre, je dors. Ça s'élève certainement à plusieurs millions. Et c'est rebelote. Je recommence tout ça, comme ça, tous les jours, 4 heures. On modifie tous les flux du chantier. Jusqu'à je ne sais pas terminer à quelle heure. Pour pas que les personnes se croisent en entrant, en sortant. On passe nos heures du midi à faire chauffer des gamelles parce que on veut pas que les ouvriers touchent au frigo et au micro-ondes. Donc on a installé pléthore de frigo et micro-ondes avec un système de numéros sur les gamelles. Donc c'est nous qui les prenons dans les frigos. J'ai pu aller faire un tour de chantier très rapide entre un accueil Covid et un réchauffage de gamelles. Et je me suis rendu compte que, alors nous, ce qu'on impose, ce qui est acté, ce qui est vraiment un de nos standards sécurité sur le chantier, c'est de baliser les zones d'évolution des nacelles et des engins. Alors on les balise, on met des barrières autour. C'est juste pour éviter la superposition de tâches. C'est pour éviter que quelqu'un passe en dessous d'une nacelle qui est en élévation au risque de se prendre quelque chose sur la tête. Et là, qu'aucun poste de travail n'était balisé. Aucun. On n'a plus de barrières de balisage parce qu'elles ont toutes été prises pour rematérialiser les flux qui servent pour que personne ne se croise sur le chantier. C'est un peu un jeu de Tetris tous les jours pour savoir lequel on prend et quel on met au fond et quel va rentrer. Oui, j'ai regardé hier encore, elle est pareuse. J'avais jamais vu à ce point-là. Ouais, parce que la pile est engarrée là. Elle est parue. Le truc jaune là, qu'elle a au fond. Voilà, bon, il sert à. C'est juste pour tailler les haies. Ah, tailler oui. Les haies. C'est votre papa ? C'est mon papa. Il fait son tour dans la cour, le temps qu'il sorte de la maison, qu'il remonte, il fait ça deux fois par jour et ça, il suffit. Moi, je fais ma petite tournée. Tous les jours. Quand je ramène du matériel que je range, à chaque fois, il voit voir les différences. Il dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça le sort, c'est sa sortie. Ça l'occupe. Je le fais deux fois dans la journée, le parcours. Le confinement lui-même, moi, je peux pas être confiné, puis attendre, et puis voilà. Attendre que ça se passe, quoi. On continue de travailler, on continue de monter dans les tracteurs, et puis d'aller travailler dans les champs. Ça, là-dessus, il n'y a pas le choix, quoi. Les SMIC qu'il y avait à faire, il fallait les faire. Parce qu'ils annoncent de l'appui, mais on l'attend toujours. Ça va avoir de plus grosses conséquences que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, comme le coronavirus. Pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose dans les effets. Hein. Bah, là, le sec, on va avoir des cultures qui vont pas lever. Hein. Alors, il y a des cultures, il y a du blé de printemps. J'ai des orges qui n'ont pas trop bien levé. Il y a de la lentille qui n'est pas très bien levée. Des petits pots. Du poids de printemps aussi qui n'est pas tellement levé. Puis là, j'ai des tournesols qui sont semés, mais il n'y a rien, quoi. Voilà, quoi. Pour l'instant, ils n'ont pas vu une goutte d'eau. Donc, pour lever, ça serait pour pouvoir germer et pousser, ça serait bien qu'ils aient une petite pluie de temps en temps là, pour y arriver. Donc ça vous inquiète plus que le coronavirus? Ben, disons que ça aura, à mon avis, plus de conséquences sur l'économie globale. Sur l'exploitation, oui, que le coronavirus. À partir de là, l'avantage qu'on a, c'est que j'ai passé des journées entières dans mon tracteur et j'ai vu personne. Ah ben là, j'étais tranquille. Ça, c'est un gros avantage. C'est qu'on a, on a perdu 90% de la circulation de voitures ou de camions qui est devant la porte. Grâce au confinement. Grâce au confinement. Et donc là, franchement, ça a été du pain béni pour pouvoir circuler avec les véhicules agricoles. Oui, ça, là-dessus, oui, ça, c'est très bien. Non, bah moi ça m'angoisse pas plus que ça. Je dis que de toute façon ce virus là il est là, ça va faire un mois et demi, deux mois passés même. On l'a encore pour au moins 6-7 mois devant nous avant de pouvoir dire qu'on a des solutions derrière. Quand on aura un vaccin, on pourra le gérer de la même manière que le virus de la grippe. Alors après, c'est un virus de plus. Et on s'y croise. On ne prend pas de temps, par exemple, d'aller au parc, d'investir les lieux publics. On est confiné déjà. Sans ce confinement, nous, on est déjà confiné. On n'est plus en mode survie, puisqu'on ne sort pas et on n'entre pas comme on veut dans chez nous. Vous êtes par exemple pendant une heure et demie en contrôle. Vous êtes sur une circo, c'est une circonscription de sécurité publique. Et vous contrôlez à peu près une centaine de personnes quand même. Vous imaginez, vous multipliez. Donc potentiellement, nous, on peut être contaminé par les postillons qu'on peut recevoir de la part de la personne si elle ne descend pas sa mitre. Mais de même, nous, on peut aussi polluer la personne qui nous a juste pollué avant. Et contaminer la personne à qui on demande gentiment de présenter son attestation. Parce que vous la prenez dans la main, la carte d'identité ? Non, moi, pour ma part, non. J'ai toujours refusé. Il suffit de demander gentiment aux gens de présenter, soit sur le tableau de bord, soit à la vitre. En général, ils les présentaient à la vitre. Certains descendaient très peu la vitre pour avoir un minimum, on va dire, de respect entre nous. Mais sinon, non, non, les gens étaient très, très respectueux par rapport à ça, quoi. Il fallait même des fois rappeler aux gens, non, non, ne descendez pas à la vitre. Protégez-vous, voilà, je connais pas le sens du vent, mes postillons. Donc nous aussi, on a essayé de faire attention. Après, je vous cache pas que nous, on a pris certains devants avec ma brigade, qu'on a mis des masques qu'on s'est fabriqués, qu'on a trouvés, qu'on nous a donnés et qu'on a mis, et ça n'a pas gêné la population. Au contraire, certains ont été contents qu'on en porte, d'autres, ça l'a choqué qu'on n'a pas eu de masque lors du contrôle, de nous dire ça. Mais comment voulez-vous réagir, vous? Oui. Bonjour ma chérie, je suis encore dans le jardin de la maison de retraite. Ouais, je vois ça. Il fait beau dehors, maman? Il fait doux, doux. C'est un climat doux. Et ça va bien, maman? Tu vas mieux? Oui, ça va. Ça va pas mal. Tu as très bonne mine. Ah bon, bah tant mieux. Ça fait plaisir de te voir. Bon, moi aussi. Tu me manques. Fatiguée. Je suis fatiguée maintenant. Pour certaines familles, pour certains enfants, ne pas se voir, c'était comme disparaître. Bisous, bye. Allez, bisous. Bye. Bisous. Moi, je suis Elsa Schwartz, je suis pédopsychiatre, praticien hospitalier. Je suis responsable médicale d'un hôpital de jour pour enfants. On accueille des enfants qui sont âgés de 6 à 12 ans, plusieurs demi-journées par semaine. Et ces enfants présentent ce qu'on appelle des troubles du spectre autistique, sans langage, beaucoup de stéréotypies, de l'agitation, avec une capacité variable de pouvoir être en lien avec l'autre. Et puis on reçoit des enfants aussi avec un trouble autistique, mais avec quand même un niveau cognitif maintenu, c'est-à-dire qu'ils peuvent être scolarisés, ils savent parler, mais qui ont des gros troubles de la relation, mais aussi des grandes angoisses corporelles. Après, on dirait là, on vient en train. Ouais, on est en train. Avant, ça c'était. Là, il faisait les travaux. Il était devenu plus grand. À l'hôpital de jour, on s'occupe d'une petite fille âgée de 8 ans. C'est une petite fille qui vient depuis 2 ans à l'hôpital de jour, donc on commence à bien la connaître. Très vite, on a fait des entretiens Skype avec elle et avec sa mère. Elle est très contente de nous voir. Elle nous fait visiter sa maison avec le téléphone qui bouge dans tous les sens, donc c'est compliqué de bien voir. Elle n'est pas sortie. Depuis le début du confinement, elle n'est pas sortie dehors, tant la maman est inquiète. Il y a eu des décès dans la famille, et donc c'est vraiment traumatisant. Donc je l'ai appelée hier, justement, pour qu'elle vienne la semaine prochaine seule, en lui disant bien qu'on mettrait vraiment toutes les mesures de protection sanitaire. On pourrait mettre des blouses, on pourrait mettre évidemment le masque, qu'elle viendrait seule, sans autres enfants. Mais voilà, ça reste trop inquiétant. Le dehors est toujours trop inquiétant, donc j'ai pas réussi. Mais la maman a demandé plutôt qu'on aille chez elle. Ça va me faire plaisir de la revoir. J'appréhende parce que aller en cosmonaute dans une famille, ça me semble pas du tout normal. Et c'est vrai que c'est une petite fille. On n'est pas sûr qu'elle soit qu'elle sache se retenir dans ses gestes. On n'est pas sûr qu'elle ne nous saute pas au cou pour un câlin, parce qu'elle sera tellement contente de nous revoir. Je peux prendre votre prénom ? Je m'appelle Nora, j'ai 20 ans, je suis étudiante et pour financer mes études, du coup, je suis en CDI temps partiel dans un supermarché en tant que caissière. Et la situation est très simple, je rentre à la maison, je ne touche personne. Donc j'ai deux petits frères, je garde mon masque jusqu'à rentrer dans ma chambre. J'essaye de me désinfecter au maximum. Avec les mêmes habits que j'ai, je vais littéralement rentrer dans ma chambre, me enlever mon sac, rentrer dans la salle de bain et me laver pour éviter. J'essaie de minimiser mes contacts avec ma famille, surtout avec mon père qui. Alors nous on vit dans un petit appartement, donc voilà, donc ça n'arrange pas la situation non plus. Donc mon père a, comment dire, on a spécialisé le salon pour lui. Donc mon père est tout seul dans le salon. Et on essaye au maximum de minimiser nos contacts avec lui, et surtout moi qui est en contact avec l'extérieur énormément, tous les jours. Donc je rentre à la maison, je vais lui dire bonjour derrière la porte, je vais entre-ouvrir la porte, lui dire bonjour papa, comment tu vas, prendre de ses nouvelles, mais essayer le contact, je ne prends plus mon père dans les bras. Je ne le prends plus dans mes bras, et pareil pour ma mère. Ma mère, ça va, elle a une santé... convenable, on va dire, mais je ne prends pas le risque de la prendre pareil dans mes bras et vouloir lui faire des câlins, alors que j'aimerais bien, moi, lui faire des câlins et lui dire que, lui raconter ma journée. Mais c'est pour leur bien, j'ai envie de dire, que je fais tout ça, donc comment j'envisage l'après? Bah, vous savez que j'y ai pas pensé du tout à l'après. Mathilde, je suis sage-femme à l'hôpital de La Fontaine en maternité et là j'étais au service des urgences maternité, donc c'est le service où on accueille toutes les patientes enceintes qui peuvent venir pour des contractions, pour des pertes de sang, voilà. Et puis là pendant cette période, parce qu'elles ont le Covid, finalement on se rend compte que quand même la maternité c'était un des rares secteurs où on était quand même encore un peu dans la joie, enfin même complètement. Il y a des moments, enfin, c'est un moment extraordinaire. Vendredi dernier, j'ai fait un accouchement. C'était un magnifique moment. Et en même temps, j'accouchais une patiente qui a perdu son bébé à terme. Donc, voilà, ça a été un vrai défi, je trouve, de se réadapter. Ça a beaucoup soudé nos équipes. Moi, j'ai une réelle joie d'aller travailler. Parce que justement, d'être chez moi toute seule, je m'ennuie un peu. Et du coup, d'aller travailler, j'étais contente d'aller travailler, d'aller voir du monde, d'aller voir mes collègues. Et merci la dernière fois pour le gâteau, il était vraiment délicieux. C'est aussi un moment où on se rendait compte que la vie, elle continuait. Alors que quand on est en parenthèse chez soi, avoir le nombre de morts qui augmente... Je vais aller voir si mes collègues ont besoin de moi. Je préfère aller travailler. Oh merde, ah oui, là, il y a besoin de moi. Ça n'a pas changé, ça n'a pas énormément changé, à part que je fais encore plus attention de bien me laver les mains, bien respecter les gestes barrières. Et du coup, à part à l'accouchement, je prends le bébé, après je lui fais son examen clinique, mais j'essaie au maximum de ne pas trop toucher l'enfant. Des fois, on voit la famille, on peut croiser, on fait la fermeture avec eux. C'est quelque chose qui est partagé à un moment donné, qui se fait naturellement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais c'est devenu vraiment... Mais limite de sens, c'est devenu très glacial, ce contact qu'on a eu aujourd'hui avec le personnel des pompes funèbres ou de la morgue. Et la multitude d'émissions de ce genre-là. En général, quand vous allez faire une vacation funéraire, la police secours, vous vous rendez à la morgue, vous fermez un cercueil. Voilà, vous pouvez regarder le corps, vérifier au niveau du bracelet, parce que vous naissez avec un bracelet, vous repartez avec un bracelet. Aujourd'hui, c'est plus possible à cause du Covid. Et c'est compliqué. J'ai jamais vu autant de cercueils de ma vie. On est obligé d'aller fermer des cercueils dans des hangars. Vous prenez votre service un lundi matin, il y a déjà 35 cercueils qui attendent. Il n'y a pas d'humanité, en fait. On a perdu l'humanité de ce qu'on faisait avant. Et là, en fait, c'est le pompier qui amène une patiente. Donc, c'est un petit peu une ambiance angoissante. On m'appelle, on me dit, la patiente, elle sent plus son bébé bouger. Et en plus, elle perd du sang. La dame en panique, l'équipe un petit peu en panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez perdu du liquide? Et elle me dit, non, voilà, j'ai juste perdu du sang en grande quantité et je sens plus mon bébé bouger depuis ce matin. Et je dis, vous toussez pas, vous avez pas de fièvre? Elle me dit, non, non, tout va bien, sinon, grossesse, déroulement normal. Et en fait, la première chose à faire, c'est écouter le cœur du bébé. Donc là, je cherche. Et enfin, c'est bon, on entend le cœur du bébé. Donc là, je commence à me calmer et à voilà, pousser un peu l'entretien plus longuement. Mais on ne trouve pas le dossier. Et en fait, nous, nos dossiers des patients contre Covid, ils sont mis de côté, justement, un peu avec un gros point d'exclamation, faire attention et tout. Du coup, je sors de la pièce et là, la patiente m'a menti. Elle a le Covid et elle ne me l'a pas dit. J'avais pris aucune mesure barrière, enfin j'ai un masque, mais comme d'habitude. Et là, je suis complètement à risque, quoi. Et elle, en fait, elle va bien. Et elle m'a rien dit, quoi. Donc, première chose à faire, c'est que j'appelle les pompiers pour les prévenir. Donc, les pompiers, ils avaient déjà d'autres patientes dans leur camion. Donc, moi, j'ai fait tout mon mieux pour pouvoir la soigner et la rassurer. Et en fait, elle m'a mis en danger. Et non seulement elle me met en danger, mais elle met aussi en danger toutes les patientes, toutes les personnes que je vais côtoyer après. Après cet événement-là, c'est vrai que moi, après, j'étais plus du tout stressée en me disant « faut que je fasse super gaffe quand je vois des patientes ». Parce que je me dis, là, je l'ai vue sans protection, sans rien. Quoi. Donc, Ça ne nous donne pas envie de continuer de travailler dans ces conditions-là quand on n'essaye pas de nous protéger, nous. Donc après, moi, aller faire mes courses au supermarché... Je voyais même pas le risque parce que, enfin, à part que moi je le transmette aux gens, ce qui m'embêtait, mais moi j'avais pas peur que les gens me le transmettent, quoi. J'ai été si proche du virus que maintenant, ça me fait, j'ai pas très peur. Nos supérieurs nous courent après pour en faire encore plus. Et si les gants se craquent, par exemple, ça c'est très drôle, mais si les gants se craquent, on vous en redonne pas une paire. On se débrouille toujours plus vite. On nous donne le masque qui est censé être pour 2-3 heures, mais on nous demande de le garder presque toute la journée. Tandis que je suis en 15 heures, je n'ai pas un SMIC. Je touche 580 euros par mois. Mais c'est ça, pour un salaire d'étudiante en plus. Donc, on est à beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiants qui sommes obligés d'aller travailler. Moi, je suis obligée d'aller travailler pour financer mes études. Mes parents ne peuvent pas me financer mes études. J'aimerais, moi aussi, rester chez moi, ne pas travailler et rester confinée chez moi en toute sécurité, surtout que j'ai mon père qui a une santé fragile. Eh bien voilà, nous sommes mardi 21 avril 2020, en pleine période de confinement. Je suis Johan, j'ai 47 ans, je suis serrurier et je me déplace pour aller porter secours à différentes personnes qui en ont besoin, qui sont restées à la porte ou qui ont des problèmes dans leurs immeubles, pour des gens qui sont déjà confinés chez eux. Donc une petite balade sur le périph parisien, exceptionnel le périph parisien, assez vide. Normalement, le trajet que je fais en temps normal, je devrais mettre 45 minutes. Là, je pense que je vais mettre 15 minutes. Par contre, plus de contrôle radar. On croirait que les policiers ont plus de temps pour faire ce genre de contrôle. Là, je suis aux Invalides. J'ai le boulevard des Invalides et je ne vois qu'une seule et unique voiture devant. C'est assez impressionnant. Normalement, on reçoit une dizaine d'heures de service par jour. Si en ce moment, on en reçoit 3 ou 4 par semaine, c'est pas mal. Les gens sont plutôt calmes, les gens sont plutôt tranquilles. On garde le sourire quand même, je trouve. Des cafés qui... Je passe devant des cafés et restos qui en profitent pour faire de gros travaux. Paris est assez désert, vraiment, je trouve assez de ça. C'est délirant et en même temps très surprenant. Ça fait presque un peu peur. Quelle va être la reprise? Comment ça va se passer? On ne sait pas ce que ça va donner. Mais on ne peut pas savoir. Hein, il n'y a pas de profil type d'agresseur. Ce serait beaucoup plus pratique si on pouvait les repérer à l'avance. Mais vous n'avez rien à vous reprocher. Hein? Le nombre de clients que je reçois est très aléatoire. Il se trouve que j'ai été malade en début d'année et que je devais reprendre le travail le 7 mars. Donc quelques jours après, je réalise que non, je ne vais pas pouvoir travailler parce que le Covid est là et que ce serait juste totalement imprudent. Mon métier, ça consiste quand même à avoir des rapports très rapprochés avec d'autres êtres humains. Par rapport à la propagation de la maladie, c'est complètement antinomique. Je ne peux pas travailler et respecter la distance de sécurité d'un mètre. C'est juste pas possible. J'ai pas d'argent de côté pour pouvoir tenir aussi longtemps. Déjà, j'avais réussi à tenir jusque-là. J'ai des amis qui m'ont aidée pour que je puisse tenir pendant que j'étais malade. En tant que travailleur du sexe, on ne peut pas avoir un bail classique. Très souvent, on est en sous-location de sous-location, où on loue un Airbnb, où on est à l'hôtel de façon provisoire, parce que c'est un peu comme pour les intermittents du spectacle. Personne ne veut vous louer parce que vous n'avez pas une fiche de CDI avec un montant fixe tous les mois. Donc on est tous avec des situations où on peut nous mettre dehors, concrètement, du jour au lendemain. J'ai pas envie que ça m'arrive. Donc je songe à reprendre le travail parce que je suis arrivée au bout de mes économies et que je refuse de perdre mon logement et de me retrouver à la rue. Je fais quoi à la rue? Et puis je veux continuer à manger. Dans la rue, on le voit, les gens qui ont perdu, c'est vraiment remonter la pente quand on se retrouve à la rue. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je m'accroche vraiment à mon logement. Non, mon prochain loyer ne passera pas. Le loyer passera pas. Et puis les factures, j'ai déjà arrêté au début en me disant que de toute façon, pour les factures, on peut encore trouver des moyens de négocier, mais le loyer, je peux pas. Donc à partir de lundi, je vais réactiver mes annonces. Concrètement, ça veut dire que je vais reprendre le travail, ou en tout cas le démarchage, ou le racolage, on l'appellera comme on voudra. Mais ça veut dire que mes annonces seront de nouveau en ligne et visibles en plein Covid. C'est quelque chose que je fais vraiment à reculons, parce que concrètement, j'ai peur. J'ai peur de tomber malade, bien sûr. J'ai peur de potentiellement transmettre la maladie. J'ai pas du tout envie de transmettre. Et puis j'ai très peur aussi parce que j'appréhende beaucoup le type de clientèle qui va me contacter. J'ai un peu de mal à... Je suis pas rassurée vis-à-vis du type de personne qui peut prendre le risque de contacter une escorte en temps de Covid. J'ai une collègue qui a reçu un message qui disait « sale pute sidaïque ». On peut pas savoir. Donc j'ai peur pour ça. Moi, je vous entends très bien. Je suis dans la voiture sans le Bluetooth. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? suis sur le parking de Leclerc, maintenant, pour aller faire mes courses. C'est un endroit où je capte bien. Nous, en tant que policiers, on a pris les mesures de confinement par les médias nationaux. Il y a eu le discours de Christophe Castaner, je crois, le ministre de l'Intérieur, le 16 mars, qui indiquait, qui donnait d'ores et déjà ordre aux forces de l'ordre de faire respecter les mesures de confinement. Donc, dès le lendemain, on était sur le terrain pour faire respecter ces mesures. Mais nous-mêmes, on n'avait déjà pas de connaissance des bases légales. Et ensuite, c'est fait avec votre propre discernement. Nous, on nous a imposé une mission pour laquelle on n'était absolument pas préparé. Il y a des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont été mis en cause pour avoir interrogé des citoyens sur le bien fondé de leur motif de sortie, à savoir est-ce que le rendez-vous médical était nécessaire, est-ce que les achats qu'ils s'apprêtent à faire ou qu'ils avaient fait étaient des achats de première nécessité. Et là, on sort totalement du cadre de nos prérogatives habituelles. Il faut savoir que le contrôle d'identité, déjà, il est très strictement encadré, et ceci afin de préserver le respect des libertés individuelles, notamment par l'article 78.2 du Code de procédure pénale. Et là, on se retrouve avec la possibilité de contrôler tout à chacun sans aucun motif, et de lui demander de justifier son identité, et de plus d'attester sur ce. On est les seuls maîtres de nos décisions, et du coup, on est les seuls à en assumer la responsabilité. Alors moi personnellement je décidais de sortir, enfin de commencer à partir de 17h pour tout faire d'un coup jusqu'à ce que la fermeture des métros arrive et comme ça au moins je puisse rentrer et être tranquille. Le but c'était vraiment de sortir une fois et de rentrer et de pas faire des allers-retours. Parce qu'après c'est sûr qu'en multipliant les déplacements et les allers-retours, là on prend plus de risques. Mais après, entre guillemets, on sait pourquoi on le fait. Alors, est-ce que la demande a augmenté pendant le confinement ? Oui, clairement. Au moins par deux. Je pense que c'est par deux, a priori. À partir du moment déjà où c'était minimum 100. Oui, après, en plus, en termes de demande, oui, on avait. Les gens, forcément, étaient souvent à la maison, même tout le temps à la maison, donc fumaient plus. Donc, appelaient plus au final. Et c'est pour ça que justement, moi, je me suis dit que même si je prenais un produit plus cher, à partir du moment où les gens fumaient plus et appelaient plus, en termes de temps, mon truc à moi partait plus vite. Certes, je faisais moins d'argent dessus, mais vu qu'il partait plus vite, je me disais qu'au final, ça revenait au même. Quand vous partez de chez vous à partir de 17h pour aller livrer les gens, il faut une attestation. Qu'est-ce que vous mettez sur votre attestation ? Déplacement pour aide aux personnes âgées. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables. Alors nous, on a fait du Alpha Macron des attestations pour dire, alors c'était une attestation pour dire que madame était victime de violence et que donc elle avait besoin de sur son trajet. Ça, c'était une hospitalière qui nous a appelé parce qu'elle avait été agressée plusieurs fois alors qu'elle ressortait de l'hôpital à 23h et qu'elle avait marre de prendre une ligne de métro où elle passait son temps à être agressée. Et on lui a fait une attestation pour qu'on lui paye le taxi. Mais on a aussi fait des attestations en disant « Madame Machin habite avec un violent, elle doit déménager. Pour cause de violence, Madame Machin doit changer de lieu d'hébergement. » Et ça, ça a été accepté par les autorités, bien sûr. Ah non, mais je pense qu'il y a plus, proportionnellement, beaucoup plus d'agressions en ce moment dehors. D'abord parce qu'il n'y a personne dans la rue, donc vas-y, tu vois. Cool. Et je vois la soignante pour qui on a fait l'attestation, elle disait, mais moi c'est terminé, je vais pas bosser, hein, parce que ça fait trop peur le soir. Le matin, ça va aller un peu de monde, mais le soir, tu rentres à 23h, tu sors de l'hosto à 23h, terminé. Donc les gars qui sont dehors, t'inquiète pas que... Donc on avait une écoute de 10h à 19h en semaine dans des locaux dédiés à l'écoute. Puis tout d'un coup, avec le confinement, d'abord on a fermé, on a été un peu sidérés. Et puis après, dès le lendemain, on a essayé de trouver une solution pour que les écoutantes puissent téléphoner de chez elles, pour celles qui pouvaient. Et là, on s'est aperçu que, par exemple, il y en avait deux qui avaient un petit logement avec deux jeunes enfants. Et pour elles, c'était absolument impossible de parler de viol toute la journée avec des enfants au téléphone. Donc celles-ci, on les a mis en chômage technique. Et puis les autres, elles ont tout à fait accepté. Et on s'est trouvé avec des filles qui vont téléphoner de chez elles avec des téléphones dédiés. Ça a été un peu compliqué avec Orange, donc on a vu, mais on a eu ça comme ça. Et puis donc, à partir du 3 jours après, on écoutait. Et d'abord, on a eu une petite baisse d'appels. Je dirais la première semaine, on a eu 20% de moins d'appels. C'est-à-dire que les gens avaient dû... être aussi sidéré que nous, parce qu'il y a un effet de sidération à cette histoire de confinement. Et puis après, globalement, on a retrouvé le niveau d'avant le confinement. Qui représente quoi à peu près pour... Alors, on a entre 5 et 20 nouveaux témoignages de viol tous les jours à la permanence. Ouais. Hier, il y en avait 19, je crois, quand j'ai vu ça. Donc, ouais. Quand on pense confinement... on pense que c'est difficile de téléphoner, mais même l'agresseur, en général, les agresseurs, les méchants, là, c'est eux qui sortent, c'est eux qui font les courses. Mmh. Donc, elles ont quand même 5 minutes pour penser le téléphone. Et ça, c'est des choses qu'on va avoir immédiatement ajustées. C'est est-ce que vous êtes pressé? Et vous savez, s'il revient, c'est pas grave, vous pourrez rappeler plus tard. Est-ce que vous voulez, nous, qu'on fasse quelque chose pour vous tout de suite? C'est des questions qui vont être posées plus facilement et plus rapidement pour gagner du temps sur le temps d'absence de l'agresseur. Vous seriez d'accord pour qu'on revienne sur ce qui s'est passé cette nuit-là pour que je puisse bien comprendre votre situation et ainsi pouvoir vous aider au mieux? Alors moi, mon prénom c'est Zishan, Z-I-S-H-A-N, mon nom c'est But, voilà, je suis médecin urgentiste travaillant avec la permanence de soins du 93. Je suis tombé malade, je pense, dès la première vague, je suis tombé malade le 16 mars, donc j'ai vu des patients le 15, je suis tombé, ouais, 16-17, je crois que 2 jours après, j'ai commencé à avoir des symptômes. Et donc, mercredi, je commence à me sentir donc pas bien, fièvre, sévère, avec des céphalées, des maux de tête. Puis ça va mieux. Et après, hop, c'est sinusoïdal, en fait. Et c'est reparti. Le soir, des grosses fièvres, et là, ça s'est plus arrêté. Jusqu'à que j'ai commencé à désaturer. Ma femme est médecin aussi, hospitalière. Et donc, elle me dit, là, il y a un truc qui va pas, là. Et en fait, c'est comme les cordonniers toujours les mal chaussés, j'avais même pas le matériel chez moi, en fait. Et votre femme? Alors, elle est partie chercher donc un saturomètre, et elle est revenue, on a vu que j'avais un taux bas en oxygène. Et à ce moment-là, j'ai été hospitalisé, je suis passé en soins intensifs, j'ai pas été intubé. J'ai récupéré, enfin très fatigué, ça me fait un mois maintenant, pratiquement, non. Oui, ça fait 3 semaines et demie. Je vais être probablement là dès lundi, je vais rebosser. Ma femme, elle fait des heures pas possibles. Moi aussi. On peut pas garder les enfants. Et si je les garde et que je les redonne à mes parents ou à mes beaux-parents, je risque de leur donner le virus aussi. Parce que les enfants sont porteurs. C'est-à-dire que je vais bosser, je reviens avec du virus, je le donne à mes enfants, et un jour, on est tous les deux de garde. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Bah, on est obligé de les confier. On va les confier aux parents et là on leur donne le virus. Donc on a pris une décision avant le confinement de se séparer des enfants. J'ai 3 petits-enfants, moi, ils ont 1 an, 2 ans et demi et 5 ans. Donc on a pris la décision de s'en séparer, c'est très difficile. Donc quand j'étais à l'hôpital, bah, je pensais à tout ça. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de m'aggraver, on a dû augmenter l'oxygène. Et quand je suis sorti, j'avais toujours du mal à respirer, mais ça allait mieux. Il semble que 50% des médecins urgentistes soient en arrêt maladie dans le 93. Oui, pas les médecins, tous les médecins urgentistes. Notre structure au SAMU, le SUR 93, a maintenant plus de 50% des médecins qui sont arrêtés. On est en danger, mais il y a des gens qui décèdent. Plus 63% sur le mois de mars de mortalité dans le 93. On va être dans des records tristes sur le 93, je pense. Bah, on travaille sans masque. On n'en met pas aux patients. On n'en a pas. Je sors là un petit peu, j'ai commencé. Alors, je fais plein de visio aussi pour rassurer les gens. Et je vois les voisins. Je suis parti voir un voisin. Ils étaient 7 dans un 2 pièces. Comment vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez isoler? À qui je mets le masque? À qui je le mets pas, en fait? Donc, je les ai enfermés dans la cuisine. C'était pas possible. Hein. Les enfants sont sortis. Ils sautaient sur le canapé derrière le patient, etc. J'ai mis un masque au patient. Je me suis mis un masque. Mais voilà. Je fais le système D. Système D. Il y en a qui prennent des sacs poubelles pour parce qu'il n'y a pas de surblouse. Mais le moment va venir, il va être terrible. C'est clair qu'on ne pourra plus avoir cette séparation, cette médecine à deux vitesses, ce monde à deux vitesses après cette crise. Clairement, on a vu les inégalités. Là, les personnes que vous rencontrez tous les jours dans le 93, un certain nombre continuent à travailler? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ils sont obligés. Mais vous avez toute une chaîne qui continue à travailler. Et c'est ce dernier maillon qui est le plus exposé. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une surexposition, il y a une surmortalité de notre département, parce que notre département fait vivre aujourd'hui l'Île-de-France. On va dire que c'est la France d'en bas qui tient la France aujourd'hui. C'est la base. Mon réveil sonne à 3h30. Il se peut que je sois déjà réveillée à 3h, alors que je commence à... Je suis censée partir de chez moi à 4h. Donc je me mets à tourner en rond une heure chez moi, avec la boule au ventre, en me disant « Est-ce que cette journée, tu vas pleurer ou pas ?» Ou « Est-ce que cette journée, ça va être une journée calme ?» Je n'ai pas connu de journée calme jusqu'à maintenant. Je pense que là, moi, je sature. Hein. Enfin, je peux... enfin, là, c'est quand même, ça fait quand même 2 mois que je suis toute seule. Bon, à part mes collègues, la solitude, c'est bien, mais je n'irai pas voir des personnes âgées... mais des amis qui ont mon âge, qui vont bien et qui en plus télétravaillent, là je vois pas trop le risque. Enfin, ils vont le transmettre à personne. Non, moi je pense que je vais voir des gens. Comment j'envisage l'après? Vous savez que j'y ai pas pensé du tout à l'après. C'était la série documentaire « Un printemps au temps du confinement ». Travailleurs déconfinés. Avec Véronique Fournier, Elsa Schwartz, Dr But, Emmanuel Piette, Maya, Eva, Nora, Mathilde, Claire, Johan, Pablo, Albert, Laurent, Serge, Anaïs, Isabelle, Claire et Marie. Un documentaire de... Périne Kervan, Alain Levkovitch, Mathias Méji, Jérôme Sandlars, Marie Chartron, Antoine Tricot, Johanna Bedeau, Camille Jusa, Uldi Maillot, Rémi Dibowski-Douat, Émilie Chaudet, Nejma Wakra, Valérie Borst, Pauline Mocor, Valérie Lavalard, Anne Pérez, Marie-Vonne Abolivier et Angélique Thibault. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au prochain confinement, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, nos vies numériques. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.